Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. La photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens. Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue. Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le soigne. Médecins du Monde, léguez-nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.medecinsdumonde.org. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Emmanuel Macron est en visite aux frontières de la Russie dans les pays baltes, oui, en Lituanie, en Lettonie. Sûr qu'il sera question de la Russie, eh bien, ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, c'est la place des mystiques dans l'histoire de la Russie. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les Russes craignent leur présence, ils sont terribles, ils sont partout, surtout dans les zones humides. Les Russes les appellent komar et leur seule évocation évoque des démangeaisons. En Russie, komar signifie moustique. Oui, ils sont tout omniprésents partout en Russie, ces moustiques. Mais ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, ce sont d'autres personnages, eux aussi omniprésents, dans l'histoire de la Russie. Et à côté des moustiques, bien sûr, il y a les mystiques russes, à savoir les personnes qui cherchent l'union immédiate avec Dieu. Et là, les noms varient. Il y a les folles en Christ ou Yurodivi, ces moines errants, et pour le dire crânement, des moines gérovagues. Il y a les Straniks, ces pèlerins, qui eux aussi errent, mais qui sont tout autant mystiques. Il y a également les Starets, alors des moines encore baignés de mysticisme, qui se veulent guides. Alors, les mystiques sont-ils partout en Russie? En tout cas, il est certain qu'ils piquent notre curiosité. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, l'histoire de la Russie secrète de Raspoutine, le mystique à la contre-culture sous le marteau. Nous allons explorer les caves du Kremlin. Oui, parce qu'il y a un fil à tracer dans les services secrets entre ceux du tsar, le KGB et la Russie de Poutine. Évidemment, le culte du mystère, le culte du secret. Des émissions qui sont à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. C'est la balade de diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler des mystiques, ces personnages qui fascinent, qui ont fasciné et qui fascinent toujours. Et pour nous les présenter avec nous aujourd'hui, Vladimir Berelovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève. Dites-nous, vous avez étudié ce monde très particulier, Vladimir Berelovitch. Vous avez été notamment l'auteur d'un numéro des cahiers du monde russe qui s'intitule « L'invention de la Sainte Russie ». C'était il y a quelques années, en 2012. Qui sont ces mystiques? Si nous nous plaçons dans une ville de Russie, disons au XVIe siècle, comment sait-on que nous avons affaire à un mystique? À quoi ressemble-t-il? Écoutez, alors il y a la question du mot même de mystique, bien entendu, c'est-à-dire en quelque sorte, on peut dire que l'histoire du christianisme, c'est l'histoire d'une mystique. Et alors, en Russie, il y a une tradition qui est venu avec les moines grecs, et donc ce sont les Grecs qui ont implanté le christianisme en Russie, mais Jean-Pierre Arignon en parlerait beaucoup mieux que moi, évidemment, parce qu'il sait ça par cœur. Je suis plutôt spécialiste de la période moderne et contemporaine, et il faut dire que, d'abord, la tradition monastique dans l'Église d'Orient était extrêmement forte. On peut dire d'une certaine façon que ce sont eux qui ont inventé la chose. Et notamment, en particulier, la tradition érémétique est très forte. Or, bien entendu, lorsqu'un personnage s'établit dans ce qu'on appelait en Russie un désert, un ermitage, c'était pas pour cueillir des pâquerettes, hein. C'était pour entrer en contact avec Dieu. Et là, on a une tradition forte, grecque, qui est venue en Russie et qui s'est, probablement, peut-on dire, qui a commencé à s'épanouir, surtout à partir du XIVe siècle. Mais ça veut pas dire que ça n'existait pas avant. C'est donc bien sûr vers les monastères qu'il faut se tourner si on veut chercher des mystiques. Et puis pour chercher des mystiques et en trouver, il ne suffit pas de se tourner vers les monastères, il faut aussi se tourner, vous l'avez cité, vers Jean-Pierre Arignon. Bonjour Jean-Pierre Arignon. Bonjour, monsieur. Vous êtes professeur honoraire des universités, docteur honoris causa de l'université de Yaroslavl. Vous publiez aux éditions Perrin une histoire de la Russie, donc un temps très long. Et justement, dans cette recherche du cours de l'histoire sur qui sont les mystiques russes, il y a vraiment cette origine à identifier. En fait, les mystiques russes sont nés, et Vladimir Berelovitch nous le disait, excusez-moi, sont nés en fait de cette influence grecque, de cette influence de ce qui a constitué la conversion de la Russie. Donc là, nous nous situons vraiment aux origines de la conversion des Russes au christianisme. Tout à fait. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque kievienne, ce qu'on appelle la Kievskaya Rus, la période 10e-11e siècle, en théologie comme en spiritualité, il n'existe aucun courant typiquement russe qui ne se trouve déjà à Byzance. Et donc, par conséquent, c'est l'introduction de la tradition religieuse byzantine qui va se faire notamment par la haute période, les 10e et 11e siècles. Et alors, un point important qu'il faut souligner, c'est que les Russes vont recevoir une double formation chrétienne. D'une part, une formation liée à l'introduction dans l'oïkouméné byzantine, comme on dit, c'est-à-dire dans la société chrétienne du monde, avec le baptême de Vladimir. Et d'autre part, ils ont reçu une tradition mystique et qui s'est faite par osmose. En effet, l'homme qui va inventer ce que l'on appellera, on aura l'occasion d'y revenir, l'hésychasme, eh bien, Siméon, le nouveau théologien, était l'igoumène du monastère de Saint-Mamas, près duquel les navires russes qui descendaient la route des Varègues aux Grecs, c'est-à-dire le Dniepre, étaient mis là, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans Constantinople. Et ils vont recevoir, par ce biais-là, par une sorte d'osmose, toute la théologie de Siméon, le nouveau théologien, qui est une théologie mystique. Donc vous voyez les deux courants, le courant mystique qui remonte avant le baptême, à l'époque de Siméon, le nouveau théologien, qui a vécu de 949 à 1022, et d'autre part, le baptême de Vladimir, 988-89, où vous avez un christianisme organisé, tout près, qu'ils vont adopter et qui va permettre leur entrée dans le monde chrétien. Donc vous voyez, les deux courants sont là, et vous retrouvez ces deux courants dans la fondation du monastère des Grottes. Car le monastère des Grottes, la Petchaskaya Lavra, a été fondé, vous le savez, par deux grandes figures éponymes, Saint Antoine, qui meurt en 1073, et Saint Théodose en 1074. Chacun de ces deux maîtres, en réalité, en représente l'un plus un courant, je dirais, érémitisme, anachorète, c'est Saint Antoine, et Théodose, qui lui, au contraire, rapporte le typikon, c'est-à-dire la charte du monastère grec du Studion à Kiev, et qui est le véritable fondateur du cénobitisme russe. Jean-Pierre Arignon, effectivement, hein, dans ce mouvement monacal, donc celui des moines, il y a ces deux voies majeures, vivre en communauté et puis s'isoler. Donc d'un côté, voilà, il y a des regroupements, et puis de l'autre côté, il y a ces ermites, les mystiques russes, justement, ceux qui veulent s'approcher au plus près de Dieu par des voies particulières, se retrouvent dans ces deux courants-là. C'est-à-dire que l'on va avoir des mystiques qui se font ermites, qui sont isolés, éventuellement pèlerins, qui se déplacent, et puis d'autres qui peuvent vivre dans des communautés. Tout à fait. Vous avez les deux voies. Et entre les deux, eh bien, il y a une césure chronologique. En gros, du 11e au 13e siècle, on peut dire que vous êtes là dans la spiritualité joyeuse. C'est la spiritualité des premiers chrétiens russes. toute pénétrée de gratitude parce que, et je cite Hilarion, le Slovo Zakonim Blagodat, le dit sur la loi et la grâce, et qui écrit ceci, « La foi bénie avait été abondamment répandue à travers le monde et avait même atteint notre nation russe. » Et donc, ils ont le sentiment que la foi est venue jusqu'à eux. Et cette foi, sous cette double tendance, une tendance régulée, je dirais la foi normative de l'Église, et de l'autre côté, une foi d'un contact direct avec la divinité, avec Dieu. Et cette deuxième tendance, cette dernière tendance, va connaître un développement plus important pour la deuxième période de l'histoire, du XIIIe au XVIe siècle, qui est une période beaucoup plus pessimiste, parce que la situation politique est extrêmement difficile, et la vérité et la justice se trouvent seulement au ciel, avec le Christ, alors que le mensonge et l'injustice prédominent dans ce monde. Donc au XIIIe et XVIe siècle, on va voir se développer ce recours, ce développement du mysticisme, les fameux Iuro Divi que vous avez présentés, le fol en Christ. Le plus connu, c'est Saint Basile, qui a donné son nom à l'église du Kremlin de la Place Rouge, Saint Basile le Bienheureux. Mais il y en a, toutes les villes en avaient d'autres, et qui étaient des personnages qui provoquaient la société. Ils vivaient nus, ils agressaient les marchands ou les princes, etc., pour leur rappeler que la vérité et la justice devaient être ici-bas et qu'ils devaient remplir leur fonction, ce qui leur valait à chaque fois de grosses difficultés. Donc vous voyez, cette manifestation là prend toute sa place au XIIIe et XVe siècle. C'est ce qu'on appelle le phénomène Iuro Divi, qui est vraiment propre à l'Église russe. Voilà, Iuro Divi, les folles en Christ, ces moines errants, voilà, ces personnages qui peuplent la littérature de la Russie. Vladimir Berelovitch, je voudrais vous demander sur ces personnages-là, jusqu'à quand peut-on les retrouver ? Dans votre regard que vous portez sur une Russie plus contemporaine, alors bien sûr, il y a la figure de Rasputin, j'ai envie de dire, qui efface toutes les autres. Ils sont toujours présents, ces mystiques russes, à quelque forme qu'ils puissent prendre. Le problème, je pense que c'est principalement qu'ils ne sont pas reconnus. Tandis que, Jean-Pierre Arignon me reprendra si je me trompe, le fol en Christ du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle, évidemment, peut avoir des ennuis et assez sérieux à cause de ses paroles, mais il a une reconnaissance à la fois dans la société et dans les élites, et même jusqu'au plus haut degré, qui fait qu'il a, si je peux dire, une présence non pas officielle, bien entendu, mais néanmoins suffisamment visible pour qu'on puisse en parler dans les termes qu'on vient d'évoquer. Tandis qu'après, cette tradition se perd, et s'il y a des traces de comportement, je dirais, de Iuro Divi, de fol en Christ, ce sont vraiment des traces dans des pratiques et des rumeurs et des fréquentations qui touchent vraiment la base de la société rurale et non pas urbaine, alors que le fol en Christ était très présent dans les villes. Je ne crois pas qu'on puisse en parler au XIXe siècle, pas de façon vraiment visible. Et ce sont des personnages regardés avec beaucoup plus de suspicion encore qu'autrefois, parce que l'Église ne les admet pas, et encore moins la police. Oui, parce que ça, c'est vraiment un moment qui est très particulier. Nous avons passé le XVIIIe siècle avec une volonté de moderniser la Russie. Enfin, c'est voilà tout le travail de Pierre le Grand, c'est tout le travail mais aussi de Catherine II, aussi avec une forme de déchristianisation. Et pourtant, il reste dans la Russie que nous connaissons des figures très particulières. Et je l'évoquais, celle de Rasputin est sans doute la principale quand nous imaginons qui pouvaient être ces mystiques en Russie. Je vous propose de croiser Rasputin à travers Gérard Depardieu. Oui, c'est dans un film de José Dayan en 2011, évidemment intitulé Rasputin, Rasputin, le marcheur. Attention, il voit des choses. De nuit, je me suis réveillé et j'étais en sueur. C'est depuis ce temps que je marche. C'est la voix de Dieu que tu as entendue, c'est lui qui t'a parlé. Je ne suis pas assez savant pour répondre. Tout ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, il y a une force nouvelle en moi et que je vois des choses. Quelles choses? Que vois-tu donc? Des choses à l'intérieur des gens, des choses qu'ils ne disent pas. Tu veux dire que tu lis dans leurs âmes? C'est comme ça. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce vrai que tu crois au diable? Je sens sa présence. Il me tend des pièges. Il voudrait que je renonce à aller là où ma voix me dit d'aller, mais je sais me défendre. Rasputin. Enfin, Gérard Depardieu dans le film Rasputin de José Dayan en 2011. J'ai choisi cet extrait pour illustrer un peu ces mystiques avec cet aspect extrêmement individuel dans le propos. C'est lui qui voit, qui est à l'intérieur de lui-même, Jean-Pierre Arignon. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette confrontation entre la mise en place d'une institution religieuse en Russie et puis l'existence de ces personnages qui développent une religiosité individuelle. Ces mystiques échappent à la hiérarchie de l'Église. Complètement. Mais Vladimir Bekhaïovitch l'a parfaitement explicité. Jusqu'au XVIe siècle, ces Yugodivi, disons, vivaient dans les villes. C'est un phénomène urbain. À partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où Pierre le Grand transforme l'Église russe en un ministère, il faut rentrer dans l'ordre. Et ces personnages-là disparaissent. Le résultat, quel est-il? C'est qu'il y a une sorte de repliement vers la ruralité, vers le monde des grands espaces, vers la Sibérie. Et le chamanisme va, je dirais, fournir une sorte de complément ésotérique dont un des plus célèbres produits est évidemment Rasputin. Mais comment ça va. Le transfert va se faire d'un monde de l'Église vers un monde, rural. D'un monde urbain vers un monde rural, d'un monde de l'Église vers un monde un petit peu anarchique. Oui, Jean-Pierre Arignon, justement, vous le dites bien, avec l'extension de la Russie vers la Sibérie, la rencontre avec d'autres formes de religiosité telles le chamanisme, il y a un rapport très particulier à la nature, à l'environnement chez ces mystiques. Bien sûr, et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'hésychasme. L'hésychasme, qu'est-ce que c'est? Hésychia en grec, ce qui est la paix intérieure. Cet hésychasme qui, aujourd'hui, est devenu la théologie officielle de l'Église orthodoxe, au XIVe siècle seulement d'ailleurs, avec Grégoire Palamas, cet hésychasme, qu'est-ce que c'est? Le réalisme mystique, c'est-à-dire, c'est la croyance que l'être empirique ne se maintient que grâce à sa participation à la réalité mystique. C'est ça, l'hésychasme. Une équation entre humanisation et déification. Entre humanisation et théosis, on dit en grec, et déification. L'illumination de toute la nature humaine par la lumière incréée des énergies divines conduit par conséquent à une restauration et une glorification de l'ensemble de la nature et à une union directe et intime avec Dieu. C'est cette union-là qui peut être atteinte dans cette vie. C'est l'hésychasme qui avait commencé dans les monastères, qui se répand ensuite partout dans le pays, avec ce retour de l'homme et de la nature dans une même unité d'une transfiguration. Vladimir Berelovitch, il y a presque une contradiction entre cette volonté du pouvoir tsariste de mettre en place des villes sublimes. Vous avez écrit une histoire de Saint-Pétersbourg avec Olga Medvedkova. Dites-nous comment ces gens-là, ces mystiques, ces hommes proches de la nature, qui développent une religiosité qui échappe à l'institution de l'Église orthodoxe, sont perçus par un pouvoir, comme celui par exemple de Pierre le Grand, qui a un regard plutôt vers l'Occident, donc avec sans doute une distance avec cette religiosité qui, elle, vient de Sibérie, complètement à l'Est. Oui, de Sibérie ou de coins reculés du Nord aussi, du Nord. Et puis il faut dire, il faut ajouter quelque chose, je crois, de très important, c'est l'histoire du schisme qui a frappé l'Église russe à la fin du XVIIe siècle et dont les conséquences ont été réellement incalculables. On les a jamais totalement mesurées, ces conséquences, parce que en somme, toute une grosse partie de la société russe, d'abord dans toutes les classes, même la noblesse, même partiellement le clergé, mais ensuite principalement dans les campagnes et dans certaines régions où ces gens se sont retirés parce qu'ils ont été déclarés schismatiques, hérétiques. Donc il y a une grosse poche de la société russe qui a cultivé ses propres traditions religieuses attachées au passé et qui s'est retiré dans les forêts. C'est le titre d'un livre célèbre qui parle justement de ces vieux croyants, comme on les appelait. La dénomination officielle était raskolnik, c'est-à-dire schismatique. Eux-mêmes s'appelaient les tenants de la vieille foi. Évidemment, c'est pas du tout schismatique, c'est pas un terme qui venait d'eux. Et d'ailleurs, il faut rappeler que un des paradoxes, c'est qu'en fait, on a déclaré hérétiques des gens qui voulaient garder les anciens rites et les anciens textes. Ça voudrait dire, en d'autres termes, que l'ancienne Église russe était hérétique avant les réformes du XVIIe siècle. Mais alors, ces gens posaient beaucoup de problèmes. Et dès la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire dès avant Pierre le Grand, nous avons, de la part de l'Église et du pouvoir séculier, une volonté de normaliser, de régulariser la vie religieuse et d'asseoir davantage une autorité qui est donc l'Église et l'État en symphonie, selon la tradition byzantine. Or, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Cette tradition se poursuit, cette politique se poursuit, mais elle s'infléchit, comme vous avez dit, vers le monde occidental, et ce qui apparaît depuis sous Pierre le Grand, mais ensuite sous Élisabeth et jusqu'à Catherine II comprise, on peut dire qu'après aussi ça continue, mais les choses changent au XIXe siècle. Il apparaît une volonté de lutter contre les superstitions, toutes les pratiques magiques. Et là, nous avons à la fois une offensive de l'État et de l'Église contre ce que tous les chrétiens auraient pu appeler superstition, c'est-à-dire des pratiques magiques qui avaient pénétré dans les pratiques des orthodoxes de tout milieu, hein, même dans la noblesse. Et donc il y a beaucoup de procès, il y a des historiens russes qui ont écrit des choses remarquables là-dessus. Aussi, en même temps, une volonté, de laïciser le pouvoir séculier qui, elle, va à l'encontre, et violemment à l'encontre, des traditions religieuses de la Russie. Oui, voilà, il y a tout un panorama à dresser sur cette Russie des 17, 18e, 19e siècles, où d'un côté, bien sûr, il y a le peuple attaché à des traditions, vous venez de le rappeler, Vladimir Berelovitch, des traditions anciennes, et puis il y a les élites qui se tournent, alors pour certaines, vers l'Occident, mais pas pour toutes, certaines élite regarde les traditions, sans doute pour renforcer aussi l'identité. Le 19e siècle est le siècle du renforcement des identités nationales. Donc on regarde un peu dans son passé. Et c'est ce qu'on va trouver chez les grands écrivains, par exemple Dostoïevski, qui, quand il écrit les frères Karamazov, donc on est à la fin du 19e siècle, on est en 1879, quand il écrit les frères Karamazov, il évoque ces personnages qui font partie de leur tradition. Une lecture par Tatiana Werner. Ce qui frappa le plus le pauvre petit moine, c'est que le père Thérapante, en dépit de son grand âge et de ses jeûnes prolongés, semblait encore un vigoureux vieillard, de haute stature et de constitution athlétique. Il avait le visage frais, bien qu'émacié, la barbe et les cheveux touffus et encore noirs par places, de grands yeux bleus lumineux, mais fort saillants. Il accentuait fortement les hauts. Son costume consistait en une longue blouse roussâtre de drap grossier, comme en portent les prisonniers, avec une corde en guise de ceinture. Le cou et la poitrine étaient nus. Une chemise de toile fort épaisse, presque noircie, qu'il gardait durant des mois, apparaissait sous la blouse. On disait qu'il portait sur lui des chaînes d'une trentaine de livres. Il était chaussé de vieux souliers, presque effondrés. « Vois-tu cet arbre ?» demanda après une pause le père Thérapante. « Je le vois, bienheureux père. Pour toi, c'est un orme, mais pour moi, tout autre chose. Et quoi donc ?» s'enquit le moine anxieux. « Tu vois ces deux branches ? La nuit, parfois, ce sont les bras du Christ qui s'étendent vers moi, qui me cherchent. Je les vois clairement et je frémis. C'est terrible. Pourquoi terrible si c'est le Christ lui-même ? Une nuit, il me saisira, m'enlèvera. Vivant ? Tu ne sais donc rien de la gloire d'Élie. Il vous étreint et vous enlève. » Tatiana Werner qui lisait un extrait des frères Karamazov de Dostoïevski avec ce personnage d'un moine, Thérapante, le père Thérapante. Donc nous sommes au 19e siècle et nous avons ici, au plus près de l'élite, Dostoïevski, une élite culturelle, des personnages liés assez mystiques. Dites-nous, Vladimir Berelovitch, il y a vraiment une influence d'une partie de l'élite russe, conservatrice peut-être, avec ces mystiques, il y a un intérêt, il y a un regard curieux sur ce qu'ils sont et ce qu'ils portent d'une partie de l'histoire de la Russie ? Oui, certainement. La réponse est oui. Et le phénomène, alors le phénomène est relativement nouveau en effet, mais pas complètement. Et là, on peut dire que les choses sont assez compliquées. En réalité, si on veut comprendre ces phénomènes, il faut voir les choses ainsi, c'est-à-dire qui a une voix suffisamment forte dans les élites pour attirer l'attention et qui va porter ces choses. Donc, le phénomène vient des laïcs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mystique dans les monastères, bien sûr que ça. La tradition continue d'exister. Et par exemple, la Philokalie, qui était le recueil de textes sur lequel reposait, disons, la tradition de l'hésychasme, elle est bien connue, assez bien connue dans les monastères russes. Et par exemple, Séraphin de Sarov, qui est un personnage mystique sans aucun doute, et extrêmement vénéré, dont la canonisation, pour y revenir, aura lieu en 1903. Donc, nous retrouvons ces thèmes-là. Et ce qui est nouveau, c'est la découverte de cette tradition par les élites. Et alors, quelles élites ? La question est là. Le besoin, disons, on peut peut-être parler d'un besoin religieux, donc plus large que que les courants mystiques. Ce besoin-là, on commence à le ressentir dès le XVIIIe siècle, parce que, par exemple, dans les loges maçonniques, il se développe des courants mystiques. Faibles, certainement, mais suffisamment, enfin, faibles numériquement, mais suffisamment forts pour que ça inquiète plus ou moins les autorités, qui étaient toujours méfiantes par rapport à cela. C'est cela aussi, c'est-à-dire, lorsque la cour commence à être sensible à ces courants, on peut dire que les choses changent forcément. Et par exemple, à la cour d'Alexandre Ier, surtout après la guerre de 1812, et pendant la guerre de 1812 et après, à cause de la personnalité du tsar qui, peut-être à cause de la façon dont il est venu au pouvoir après l'assassinat de son père, était pénétré de l'idée que la Providence guidait ses pas. Ça l'a accompagné jusqu'à sa mort. Peut-être, sans doute, évidemment, à cause de lui. Nous le voyons, après 1815 surtout, entouré d'un certain nombre de gens qui, on peut dire, mystiques. Donc, ce n'est pas nouveau, en réalité. Alors, qu'est-ce qui, finalement, a préparé l'éclosion de Dostoïevski, puisqu'on parlait de lui. Il n'est pas lui tout seul. Eh bien, il y a la tradition, je crois, slavophile, c'est-à-dire la redécouverte des sources russes, qui est venue d'un complètement des laïcs. Il n'y a absolument rien d'ecclésiastique là-dedans. C'était d'ailleurs l'Église les regardait avec une certaine suspicion, comme toujours, parce que c'est une Église extrêmement conservatrice au sens propre du mot. C'est une Église qui veut contrôler, et au-dessus d'elle, il faut bien dire au-dessus, il y a le tsar, le Saint-Synode, qui est assimilé à un ministère. Le haut procureur du Saint-Synode est assimilé au rang de ministre, et c'est un laïc. Le Saint-Synode qui administre l'Église, sur tous les plans, et la composition, ce sont des gens qui sont nommés par le tsar, par l'empereur. Et donc, disons que la part de l'Église dans tout ça, proprement dite, elle est très faible. Il faut vraiment attendre le début du XXe siècle, surtout, pour voir se rencontrer ces mouvements qui viennent de l'élite intellectuelle, nobiliaire, mais surtout intellectuelle, et l'Église. Ça, il faudra peut-être y revenir tout à l'heure. Mais ça, c'est le mouvement qui nous intéresse, Vladimir Berelovitch, c'est vraiment ce mouvement pour essayer de comprendre pourquoi certains mystiques ont influencé le tsar. Et évidemment, c'est la figure de Rasputin qui synthétise l'ensemble. Or, ce n'est qu'un individu qui ne reflète pas le mouvement général. Mais nous comprenons bien qu'il y a, dans une partie de l'élite, une attirance vers certaines formes de mysticisme russe par les traditions et qui rencontre, au début du XXe siècle, c'est ce que vous venez de nous dire, le pouvoir avec ce personnage de Rasputin. Et je voudrais que l'on écoute... Alors, c'est un... bricolage à la fois magique et sonore que nous offre Éric Lancien qui a réalisé l'émission Le cours de l'histoire et qu'aujourd'hui à la technique Élise Le. Éric s'est saisi des différentes versions de Rasputin, mais le tube international de Bonnet-M, international, écoutez bien, il est dans toutes les langues et c'est juste un véritable plaisir. Rasputin. France Culture, Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Doch Moskaus schicke Frauen, sie waren fasziniert. Und so manche Maid hat der Bösewicht verführt. Unersetzlich war er im Verlangen nach Genüssen dieser Welt. Von Tacker Tag, toi sexy Fanjane, Ului Toine. Ανατολή μπορούν οι τυχεροί σ' όποια παντρευτούν χαλινάρι να περνούν κι όποια δημιλά και ζόρι τους πουλά παίρνει στη γωνιά κι άλλη παίρνει τη σειρά. Πουλ τα μόντα ράκα στην αλήμου τους την πάγας μου. Ρα ρα ρα σπουδίν κατσό γίνει τον πηγήν για δίπτε γάμσα. Για δίπτε γάμσα. Για δίπτε γάμσα. Voilà, le tube de Bonnet-M, Rasputin, dans les différentes versions possibles retrouvées par Éric Lancien qui réalise l'émission Le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous intéressons justement aux mystiques russes, mais pas seulement à Rasputin. Malgré tout, Rasputin, et nous l'entendons dans la culture populaire, c'est l'archétype du mystique russe. Jean-Pierre Arignon, vous publiez chez Perrin une histoire de la Russie, donc du temps très long. Et nous évoquions cette figure au plus proche du pouvoir, mais seulement au début du XXe siècle. Est-ce que dans l'histoire de la Russie, les mystiques russes ont eu une influence auprès du tsar, en tout cas avant Rasputin et le tsar Nicolas? Mais bien sûr, il y en a un tout particulièrement, c'est Saint-Serge de Radonège. Saint-Serge de Radonège, c'était un mystique qui a joué un rôle extrêmement important. C'est lui qui a béni les troupes russes qui vont affronter l'usurpateur mongol Mamaï sur le champ de bataille de Koulikovo en 1380. Donc vous voyez l'association entre les deux. Saint-Serge a joué un rôle clé en tant que mystique et dans cette démarche. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que ce mysticisme russe, en réalité, il a perduré au XVIIIe siècle. Tout à l'heure, mon collègue a eu tout à fait raison d'évoquer Saint-Séraphin de Sarov, mais il n'y a pas ici Velichovsky, qui a vécu au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle également, qui sont des personnages qui ont joui d'une grande vénération. Alors pourquoi? Eh bien, il faut garder en l'esprit que la Russie est une civilisation d'héritiers. Les Byzantins et les Russes se considèrent comme les héritiers des Byzantins. Et cet héritage, il va connaître une double démarche. Une démarche politique, et ça sera la célèbre lettre du Tsaret Filofey au prince Vassili III, et qui crée l'idéologie Moscou Troisième Rome. Et de quatrième, il n'y aura pas. Et donc, par conséquent, qui dote l'Église russe officielle, celle-ci, d'un héritage, après la chute de Constantinople, l'héritage byzantin vient en Russie. C'est l'époque où la femme de Vassili III apporte à la Russie le fameux aigle bicéphale. Donc, il y a ce concept d'héritage. Et d'un autre côté, ce qui est important, c'est de voir également que les tendances, mystiques ont perduré. Pourquoi? Parce que les hiécasmes qui étaient enseignés, Dieu s'est fait homme, écrit Grégoire Palamas, pour que l'homme devienne Dieu. Et ce retour de l'homme vers la divinité est exacerbé dans la population russe. Par quoi? Par l'art, par la culture. Les fresquistes de cette époque, les icônes qui sont autour de ce temps, sont des icônes d'une grande fraîcheur, d'une grande sérénité. Il n'y a pas de violence, alors que dans la société, la violence se répand un peu partout. Donc vous voyez, ces deux courants-là ont été de pair, l'un à côté de l'autre, et c'est dans ce courant-là à la fin au début du 19e siècle, du 20e siècle, Rasputin va jouer. Alors à propos de Rasputin, je voudrais dire que lorsque nous parlons de Rasputin en France, c'est quasiment le nom russe le plus connu. Hein. Mais j'inviterai les auditeurs à lire un livre qui replace bien la position et la place de Rasputin au sein de cette famille impériale. Il s'agit du livre de Pierre Gilliard, le dernier précepteur des Romanov, qui a accompagné en partie Nicolas II en exil, 13 années à la cour de Russie. Et dans ce livre, témoignage, puisqu'il était tous les jours au contact de la famille impériale pour apprendre le français, notamment aux filles et aux fils de l'empereur, il montre bien que l'importance de Rasputin auprès de la famille impériale était infiniment moindre que ce que l'on a voulu bien le faire. Oui, il y a beaucoup de fantasmes hein, autour de Rasputin, nous le sentons bien. Et justement, en écho à ce que vous nous disiez, hein, Jean-Pierre Arignon, en évoquant d'ailleurs les icônes, c'est vrai que la liturgie orthodoxe est liée à quelque chose de poétique et de merveilleux, on pourrait rajouter les chants polyphoniques. Tous ces éléments de la culture ont attiré les élites qui ont regardé sur ce que proposaient en fait ces mystiques. Vladimir Berelovitch, comment se construit en fait ce dialogue entre une certaine élite, on pourrait parler d'intelligentsia vu que nous sommes en Russie, et puis ces mystiques, comment le lien s'est créé? Je pense qu'on peut parler d'un lien quand même, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le début du XXe siècle, vraiment un moment très fort de ce point de vue, mais on peut parler d'une véritable tradition sur ce plan qui est liée à des personnages, Jean-Pierre Arignon en a parlé, il en a parlé pour Saint-Serge de Radonège, j'ai parlé de Séraphin de Sarov, il y en a d'autres. Et la tradition, c'est celle du starets, donc soit un supérieur de monastère, un abbé, mais ça peut être d'autres personnages qui vivent dans un ermitage, que vont voir les laïcs. Cette tradition est très forte et normale, je veux dire, c'était de tout temps on a fait cela. Mais ce qui est frappant à partir du début du 19e siècle, c'est que on voit des hauts personnages ou des gens très connus se déplacer. Alexandre Ier va voir Séraphin de Sarov. C'est quand même quelque chose qui est totalement inhabituel. Enfin, bizarre, bien sûr, ouais. Si on remonte au 17e siècle, même c'est, au 16e, 15e, etc., tout à fait possible. Mais là, c'est l'empereur et dans une tradition où les empereurs ne font pas ça. Ils peuvent se rendre dans des monastères, mais ils vont pas voir un starets. En particulier, individuellement, non pas même en tant qu'empereur, mais en tant que fidèle. Alors, cette tradition-là, elle continue, et ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'en liaison avec le courant slavophile, qui sont une forme de nationalisme, sans aucun doute, c'est pas un terme forcément péjoratif, il ne faut pas le prendre en mauvaise part, mais il faut appeler aussi les choses par leur nom. La slavophilie russe, c'est une forme de nationalisme, et c'est très comparable à ce qui s'est passé dans le romantisme allemand au début du 19e siècle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on découvre les sources de la Russie, on pense que la Russie a une voie histoire propre, et donc une voie propre, on met en cause l'occidentalisation forcée, et effectivement violente, opérée sous Pierre le Grand, et les sources, fatalement, très vite, sous la plume de Kirievski, par exemple, qui était certainement le slavophile le plus intéressant, le plus fécond, le plus profond, ces sources, c'est forcément, très vite, la religion. C'est-à-dire la tradition religieuse russe et, en amont, byzantine. Et alors, ce qu'on voit, c'est que dès la période slavophile, des personnages comme Romiakov, il n'est pas très connu, évidemment, en France, mais il était important en Russie, va se rendre dans un monastère qui était l'ermitage d'Optina. En russe, Optina Pustynia. Et ça devient non pas un pèlerinage, c'est une démarche individuelle, parce que les pèlerins, c'est une autre question. Ce ne sont pas des pèlerins. Gogol s'y rend aussi. Dostoïevski, emmené par Soloviov, Vladimir Soloviov, qui est ami de Dostoïevski. Et pour Dostoïevski, c'est une révélation. Et la rencontre qu'il a avec le père supérieur de ce monastère, qui était Ambroise, canonisé sous la période soviétique en 88, sauf erreur, 1988, donc Saint-Ambroise. Cette rencontre fut à l'origine, de façon très certaine, d'un aspect des frères Karamazov qui a été cité tout à l'heure. C'est le personnage du père supérieur. Et donc, on a cette tradition-là qui devient forte, qui est plutôt politiquement à droite et qui s'inscrit en porte-à-faux. Et ça, c'est un élément très important qu'il faut souligner, c'est que ce courant s'inscrit en porte-à-faux avec l'athéisme très fort, croissant, qui gagne les milieux intellectuels à partir des étudiants des universités. Ce phénomène-là, qui se produit essentiellement dans les années 1860 et au-delà, est très bien décrit dans un certain nombre de mémoires, et on voit que non seulement les étudiants des universités, mais même les séminaristes, les étudiants des séminaires destinés à être futurs prêtres, basculent d'un seul coup et abandonnent toute religion. Donc voilà, c'est un courant qu'on peut dire conflictuel. Dostoïevski est très polémique, en réalité, dans ses romans et dans son journal. Et ce qu'il écrit, c'est « vous avez tort », en d'autres termes, en s'adressant aux athées. Oui, parce qu'il y a toute une réflexion à avoir sur le choix politique des élites, et nous le voyons bien qu'il y a des élites conservatrices évidemment influencées par les mystiques, mais puis ces élites se divisent entre ceux qui regardent vers l'Occident, bon bah là les mystiques russes ne les intéressent pas beaucoup, mais celles qui sont slavophiles, qui recherchent ce monde-là, effectivement regardent ces influences mystiques, avec, vous l'avez dit, Vladimir Berelovitch, un aspect d'élite qui se divise encore, où certaines deviennent athées, trouve-t-on dans cette intelligentsia qui refuse les mystiques, en fait, j'ai envie de dire, le monde révolutionnaire, Lénine et les autres. Oui, c'est un peu cela. Hein. Bien sûr, mais c'est plus large que cela. C'est beaucoup plus large que cela. C'est un véritable basculement. C'est comme si on rompait avec une tradition familiale et religieuse. C'est d'ailleurs décrit comme cela. C'est une... Tourguenieff écrit « Pères et fils », ça n'a pas d'aspect religieux direct, mais c'est le même phénomène. C'est comme si s'est produit une rupture dès le début des années 60 qui fait basculer tout un petit monde, c'est pas très nombreux, ce sont des dizaines de milliers d'individus, mais c'est l'élite intellectuelle. Alors ensuite, on peut dire que les choses évoluent de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de schisme dans l'intelligentsia russe. Et vous avez... trois, en fait, si on veut vraiment schématiser, trois grandes entités, trois grands courants. Il y aurait à ce moment-là les libéraux, qui regardent du côté de l'Occident sans être forcément athées, souvent non d'ailleurs, mais dont la pratique religieuse est modérée, tranquille, traditionnelle. Vous avez les athées militants, qui ne rêvent que de Darwin, de Feuerbach, de gens comme ça. C'est-à-dire mettre en cause l'existence de Dieu, violemment, et dire que Dieu n'existe pas, et que donc toute l'Église, et toute l'histoire de l'Église russe, c'est quelque chose, et ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut gommer de l'avenir de la Russie. Et puis vous avez ce courant, faible numériquement, mais très important du point de vue de son influence, qu'on peut symboliser, si vous voulez, par le nom de Dostoïevski. Mais évidemment, c'est très schématique. Oui, mais bon, pour rentrer dans des détails plus profonds, c'est vrai qu'après, ben, il y a ce numéro des Cahiers du Monde Russe, l'invention de la Sainte Russie, mais on peut développer ça avec l'ouvrage de Jean-Pierre Arignon, Une histoire de la Russie, c'est chez Perrin. Je voudrais juste que nous terminions cette conversation à propos des mystiques en Russie, et puis ce cheminement qui les conduit à s'approcher du pouvoir, avec la question d'aujourd'hui. Sont-ils toujours aussi présents? Existe-t-il toujours? Trouve-t-on des mystiques encore en Russie, Vladimir Berelovitch? J'ai des difficultés à répondre à cette question, parce que je pense qu'on le saura plus tard. Parce que s'il y a de véritables mystiques, je pense qu'on ne les voit pas de façon très apparente. Je dirais presque par définition. Voilà, par définition. Parce que, si vous voulez, ce qui se produit aujourd'hui, je ne vais peut-être pas être très gentil, mais il se produit le retour de certaines matrices de l'histoire russe, qui sont, de façon caricaturale, la symphonie des pouvoirs, avec une idéologie, non pas officielle complètement, mais assez dominante, parce qu'on le voit dans les médias et de façon très diffuse dans les élites, de nouveau, qui est un retour à l'orthodoxie en symphonie avec le pouvoir actuel. Il est aujourd'hui certainement presque aussi dangereux, ou peut-être même plus dangereux, de s'attaquer, de critiquer ouvertement l'Église orthodoxe que de critiquer Poutine. Voilà, au moins, c'est clairement dit. Non, mais c'est drôlement intéressant parce que toute la semaine, dans le cours de l'histoire, nous intéressons à la Russie secrète. Nous allons voir la contre-culture sous le marteau. Nous allons voir le KGB et nous sentons que c'est cette longue histoire de la Russie qui nous intéresse. Merci de nous avoir présenté ces mystiques russes et cette longue histoire. Merci à vous, Vladimir Berelovitch. Et merci aussi beaucoup à vous, Jean-Pierre Arignon. Je rappelle, Une histoire de la Russie, c'est chez Perrin. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'imaginaire historique de Donald Trump. L'histoire n'est pas la tasse de thé de Donald Trump, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors peut-on parler de son imaginaire historique et qui sont les adversaires construits par le passé qui constituent ses ennemis ? Parce que des ennemis, il en a beaucoup. Un principe qui l'exacerbe en diffusant volontiers les théories du complot du moment et surtout en attisant un climat de guerre civile, actuel et à venir, puisqu'il a déclaré refuser a priori de rendre le pouvoir en cas de défaite de manière pacifique, c'est-à-dire constitutionnelle. La guerre de Donald est une guerre culturelle contre la gauche, celle du Parti démocrate et de tout ce qui se trouve encore plus à gauche, une gauche qui n'a pourtant jamais été au pouvoir aux États-Unis. Mais cette culture serait portée par les radicaux d'extrême gauche et écrirait une histoire antipatriote qui pousserait les enfants à haïr leur pays. Un ensemble mal identifié, peuplé de pilleurs, d'émeutiers et d'anarchistes. What happened is the entire plane filled up with the looters, the anarchists, the rioters, people that obviously were looking for trouble. Cette critique d'une vision du passé antipatriote par Donald Trump survient alors que les manifestations contre les violences policières se succèdent depuis le printemps, qui convoquent sans cesse l'histoire nord-américaine, de la ségrégation raciale aux répressions des mouvements pacifistes des années 60 et 70 contre la guerre du Vietnam, en passant bien sûr par les suspects, souvent communistes, dont la liste était bien longue au cours de la guerre froide. C'est en réaction à ces manifestations que Derf Bagderf a décidé de raconter dans un roman graphique un épisode de l'histoire oubliée, Kent State, du nom de l'université du Midwest dans la région industrielle de Cleveland, où quatre étudiants furent tués en 1970 lors de confrontations avec les forces de l'ordre. Le livre dessiné est élaboré à partir de récits, de témoins oculaires et d'une enquête approfondie documentée par les nombreuses sources largement citées en fin d'ouvrage. Ce qui guide ce récit tient moins dans les événements eux-mêmes que dans la compréhension des attitudes de chacun. Les ultra-patriotes et les révolutionnaires, en petit nombre, prêts à en découdre, mais surtout la majorité, les autres, acteurs souvent secondaires dans les rapports de justice et de police de cet événement collectif, racontés sans manichéisme pour comprendre ce qui amène une démocratie à tuer ses enfants. Un scandale à l'époque qui a inspiré cette chanson « Ohio » à Neil Young. Cette semaine sort aussi une conversation avec Howard Zinn, menée par le journaliste Ray Suarez, Le pouvoir des oubliés de l'histoire. Howard Zinn, c'est l'auteur militant d'une histoire populaire des États-Unis sortie en 1980 et sans cesse rééditée depuis. L'historien a ouvert l'histoire américaine à tous les relégués qui composent le peuple américain. Des minorités si nombreuses qu'il serait bien difficile de vouloir écrire l'histoire de cette nation sans elle et sans la vider de son contenu. C'est la grande question qui se pose aux États-Unis et à son histoire aujourd'hui, comment produire des généralités sur elles-mêmes à un moment où elles s'en trouvent de moins en moins capables. Un État fragile, encore davantage secoué par son président en campagne pour sa réélection. Stéphanie Lebar, dans Le Monde, datée du 17 septembre, explique comment la campagne présidentielle donne régulièrement l'occasion aux candidats présidents d'alimenter cette guerre culturelle et de préciser sa pensée en déclarant, par exemple, lors d'un meeting dans le Nevada, « Nous allons restaurer une éducation patriotique dans nos écoles, nous allons enseigner à nos enfants l'amour de leur patrie, la fierté de leur histoire et le respect de notre drapeau. » La promesse d'une Amérique great again, mais contre elle-même. Et oui, contre elle-même. Merci beaucoup Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire, celui-ci et tous les autres, sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, qui est presque maintenant une mystique russe, par Anne Toscan-Viudès, qui a ressorti sa toque, par Odile Joëssel, Valentine Lovrins, et par Maïwenn Guizhou, à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr, ou bien en podcast, la balade de diffusion, et demain, la contre-culture sous le marteau.